Kochka, la source aux fades. Je suis en vacances en cette mi-juin dans un petit village coincé entre deux montagnes, alimenté par un des nombreux gardons, description toute naturelle dans cette région des Cévennes. J'avais décidé, par cette belle après-midi qui annonçait déjà l'été prochain, d'herboriser le long du ruisseau en remontant son cours par une ancienne petite draille uniquement empruntée par les chèvres. C'est le dernier village de la vallée, c'est même le dernier hameau, c'est aussi ici que je pourrai voir le dernier signe d'humanité. Après, c'est la longue draille caillouteuse qui monte péniblement vers le Causse. Son entrée était étroite, presque dissimulée, comme si les gens du cru désiraient la cacher au premier venu. Elle était marquée d'une croix ancienne gravée dans le roc, une croix d'avant l'ère chrétienne, une croix d'origine celtique du genre que l'on trouve sur les monnaies des Volques Arécomis, ce peuple qui habitait nos régions avant que César ne vienne tout chambouler. C'était un chemin poudreux, ocre, bordé d'arbres gris verts, obstruant toute vue. On n'entendait aucun bruit dans la torpeur de cette journée déjà caniculaire. Pas un chant d'oiseau, pas une stridulation d'insectes pour troubler la bizarre quiétude des lieux. L'air lui-même y avait une densité différente et charriait des parfums mélangés de thym et de sarriette. Très vite, j'avais abandonné le lit du ruisseau. Je suivais cette piste qui me paraissait interminable entre son double étage, buis, euphorbes et acacias pour le premier et arbres bas tels qu'Hermès pour le second, avec une solution de continuité obsédante se répétant d'un tournant à l'autre. On aurait dit qu'elle n'allait nulle part, à un point tel que c'en était désespérant. La piste s'engouffrait entre de gros rochers en équilibre où se cachaient les lézards verts. En cette fin d'après-midi, il faisait une chaleur d'enfer, un ciel bleu azur profond autorisait le soleil à darder ses rayons, lesquels nous rissolaient le crâne. Arrivé au sommet, sur la bordure du Causse, en sortant du chaos, une escadrille de guépiers qui prenaient leur bain de poussière, prennent leur envol et plongent dans la vallée pour rechercher un peu de fraîcheur, et certainement enlever toute cette poussière dont leurs plumes étaient saturées. Cet envol me fit sursauter. J'avais vraiment les nerfs à vif au vu de ce que les gens de la vallée m'avaient raconté sur ce désert. Après une petite demi-heure, j'arrivai à la chapelle ruinée, accompagnée de sa lavogne à sec, seule trace d'un habitat aujourd'hui oublié. Cette lavogne asséchée était vraiment d'un très mauvais présage et ressemblait très bien au racontard de la vallée. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que j'avais préparé ce périple dans ce pays oublié de Dieu et abandonné des hommes. J'avais lu une aventure de Harry Dickson qui devait se passer en cet endroit, une histoire diabolique racontée avec verve par notre petit maître gantois, très inspiré, ma foi, par le chien des Baskerville ou autre bête du Gévaudan. Un récit fantastique comme à l'accoutumée. Un endroit bien hostile à la vie, et pourtant, si l'on observait bien le décor, l'œil averti pouvait apercevoir là un orchis tacheté, ici un lézard fuyant le regard et se réfugiant sous une pierre plate où il tiendra compagnie au scorpion languedocien, et encore là-bas une mante religieuse qui tient sa pose dorante sur l'épi de blé sauvage. En réalité, ce paysage est détenteur de mille merveilles, à qui peut les voir ? C'est un pays oublié des hommes, mais pas par la nature. D'ailleurs, l'épervier tournant un large cercle dans le ciel était là pour souligner que nous étions loin des salons de Paris. C'est en observant un Apollon, Parnassus, qui avait abandonné avec précipitation le chardon qu'il butinait, qui me dévoila les chancrures plongeantes entre deux gros rochers dans lesquels il venait de s'engouffrer, celle-ci étant cachée en cet endroit par du chêne vert et du cade. L'endroit était sombre, très dense à la végétation luxuriante, bien différente de celle du chemin emprunté jusque-là. Cet espace fermé avait quelque chose de fascinant, d'où émanait une impression féerique. Les couleurs étaient plus foncées, plus soutenues, plus froides aussi, un peu comme si elles venaient d'un autre monde. Après un éboulis au passage malaisé, se dessine une petite sente qui me conduit à une véritable balafre dans la paroi rocheuse. Là, la paroi était bordée à sa partie inférieure, à hauteur des yeux, d'une longue banquette calcaire, riche en coquillages antédiluviens. Juste la bonne hauteur pour apercevoir sous la banquette, dans l'ombre sèche, à l'abri de tout vent, du sable à la couleur crémeuse, sec, fin, parsemé d'entonnoirs, chacun gros comme une noix. C'était là le terrible piège de la fourmi lion. C'était la première fois que j'en voyais ailleurs que dans un livre. Je dois avouer que j'étais fasciné par la chute de chaque petite fourmi noire qui, la seconde précédente encore, se promenait benoîtement les antennes au vent. En effet, dès qu'elle tombait dans l'entonnoir, elle était subitement prise de frénésie et essayait de remonter à toute vitesse. Mais les grains de sable sec et très fins, trop fins, coulaient sous ses efforts et la ramenaient sans cesse sur le fond, où, manifestement, elle ne voulait pas rester. Après deux ou trois grimpettes, suivies d'autant de descentes involontaires, il y eut, lors d'un de ces passages par le fond, un éclair tellement rapide que je ne vis qu'un mouvement flou. Après cela, la fourmi n'était plus là. La fourmi lion, cachée sous le fond de l'entonnoir, bien enfouie dans le sable, ne laissant que les deux chélicères de ses pinces traîner juste sous la surface des premiers grains, avait, à la vitesse de la foudre, happé la besogneuse imprudente. Comme cela me changeait de mon pays, où tout était vert, calme et placide. Ici, il se passait quelque chose d'inouï avec les cloches. Contrairement au bourdon des clochers d'église de chez nous, dans le nord, les cloches du campanile du village émettaient des notes aux sons grêles et légers, tels ceux des chapelles ou des couvents. Peut-être la qualité ou la densité de l'air n'était-elle pas la même qu'ailleurs ? On entendait distinctement le marteau frapper les reins, le métal frapper un autre métal, et pourtant donner des petites notes musicales et discrètes. Mais dans le ciel pâle et chaud de cet après-midi, elle s'étirait hésitante. Je suppose que ces ondes planaient d'abord sur la place de l'église, puis sur les maisons, avant de s'étendre par-dessus les vignes, et plus loin encore, vers la montagne, pour mourir ici délicatement sur le causse. On les devinait passer par-dessus les collines, la rivière et les rochers, et elles étaient encore perceptibles que déjà le marteau frappait à nouveau, d'autres ondes sonores naissaient, et puis d'autres encore. Alors je les écoutais avec émerveillement, comme un gamin écoute avec gourmandise, l'oreille collée à la paroi, la mélodie de sa nouvelle boîte à musique. Lorsque le mistral était levé, les orbes sonores prenaient la forme de grandes ellipses, la partie la plus aiguë dirigée vers le midi. Les sons étaient alors très différents entre le village et la campagne environnante. Et lorsque le vent soufflait fort, ce qui n'était pas rare, les notes cristallines dans cet endroit donnaient l'impression de tomber du ciel. Je pouvais alors penser qu'elle prenait naissance là, dans l'air, uniquement pour me ravir, uniquement pour m'être agréable. Le Parnassus, qui continuait à voleter devant moi, semblait me dire « Suis-moi, il y a une surprise au bout de tant de peines ». C'est la fraîcheur de l'endroit qui, de suite, m'annonça le changement subtil des lieux. J'écartais une branche de genévrier qui gênait mon passage et je restais pétrifié devant la vision de cette fine cascade d'une beauté hors du commun, hors du temps, qui dégringolait du dessus de la faille avec un très léger bruit cristallin. Tout de suite, elle me fit penser à certaines cascades de mon Ardenne natale. Mais ici, dans cette région, c'était une bénédiction, une récompense des dieux. La paroi rocheuse d'où elle tombait était habillée d'asplénium, elle-même sertie de milliers de diamants, minuscules gouttes d'eau cristalline accrochées au lobe de cette belle fougère. Cette draperie scintillante était encadrée de longues draperies de mousse qui tombaient en vagues successives jusqu'au plan d'eau, où des cercles n'arrêtaient pas de se former, lesquels venaient mourir sur les bords herbeux parsemés de gros rochers. Par contraste, l'eau de cette immense marmite était d'un noir profond, mais brillant comme du jet poli, elle semblait sans fond. Quel merveilleux lieu de baignade pour les enfants du village pendant les chaleurs de l'été, pensais-je. Lorsque j'en parlais au village, le soir, au bistrot de la place, entre deux mènes de pétanque, l'ancien berger me dit presque en aparté, Je la connais bien, cette cascade. C'est la cascade de la source aux fées. Elle est maudite. Dans le temps, les enfants allaient s'y baigner. Après deux noyades successives, il leur fut interdit de s'y rendre. Même les chèvres qui buvaient l'eau de cette source ne donnaient plus de lait. Petit à petit, plus personne n'y alla, et le chemin qui y menait fut comme perdu. Je suis étonné que tu l'aies trouvé. Fais attention, c'est vraiment l'endroit pour attraper un chaud-froid et y laisser ta santé, ou en tout cas, y perdre tes vacances. Deux jours plus tard, le trou d'eau continuait à me tarabuster. Pourquoi, si l'endroit était si dangereux, l'Apollon m'y avait-il conduit ? Il y allait bien pour boire, je le sais. J'avoue que, surpris par la vue féerique du lieu, j'avais oublié mon Parnassus. Je décidai d'y retourner le soir même, à l'insu de tout le monde. Je remontai la vallée, j'ai abordé le Causse avec précaution, car la nuit était maintenant tombée. Un spectacle merveilleux m'y attendait, non seulement les milliers d'étoiles qui parsemaient la voûte céleste, la voie lactée qui coulait à travers le firmament, qui, avec leur vol semblant aléatoire, inondait les graminées légèrement balancées par la brise. J'ai failli ne pas retrouver cette anfractuosité dans les rochers, tant le paysage de nuit est différent de celui du jour. Cette fois, avant de sentir la fraîcheur, c'est le tintinabulant bruit de l'eau qui annonçait que j'étais proche. Je ralentis le pas et, saisi d'une certaine angoisse, je m'approchai sans faire de bruit. Le filet d'eau cascadait le long de la paroi, écumant, blanc, et tombé dans un bruissement dans l'eau noire, là aussi une multitude de lucioles voletaient de-ci, de-là, éclairant presque les lieux. Un énorme châtaignier, court, trapu, à la souche puissante plusieurs fois foudroyée, totalement étêté mais bien vivant, surplombait l'eau calme. Une de ses branches coupait en ce moment la lune en deux. Subitement, un bruit de pipeau attira mon attention. Une plainte angoissante retentit, et je vis, sur la branche qui coupait la lune, un elfe tout de vert vêtu, avec son petit bonnet et ses longues oreilles, terminé par un plumeau de cinq longues soies. Il était appuyé au tronc massif, et s'il n'avait pas commencé à jouer, je ne l'aurais pas vu, et bien sûr, il ne serait pas venu. On aurait dit Puck, qui appelait son maître Oberon et les autres elfes, à la fête. Je m'éclipsai délicatement, ne voulant pas déranger cette scène magique d'un monde parallèle au nôtre. Le monde des petites gens n'aime pas qu'on interfère avec eux, ils ont trop souvent été trompés. Je remontai la sente vers l'Ébouli. C'est là que je le trouvai. Il était crotté, recroquevillé, en piteux état. Je l'avais d'abord pris pour une libellule en perdition. C'était terrible, l'enfanson avait une aile brisée. Pour un elfe, c'est pire que pour nous de perdre la vue. Il était recroquevillé au pied d'une souche moussue et, tout apeuré, il m'avait pleuré son cas. Je l'ai ramené tendrement, au chaud, serré sur mon sein. Plus tard, il m'accompagnait en Belgique, calfeutré dans ma besace de poitrine, celle de chasse, où je lui avais aménagé un nid douillet et odorant, composé d'un savant mélange d'herbes, de fleurs d'aspic et d'une pointe de romarin. Tout le long du voyage de retour, il regardait les paysages de ses grands yeux. Rentré à la maison, je l'avais amoureusement installé chez moi. Je lui avais même confectionné une légère attelle. L'enfant grandit et vola mon cœur. Une nuit sans lune, après une dernière métamorphose, une jouvencelle aux ailes parfaites vit le jour. Elle était d'une couleur que les poètes appellent « cuisse de nymphe émue », blanc vanillé, avec une très très légère touche de rose. Elle la portait fièrement comme un étendard. Un soir de printemps, je redescendis dans les Cévennes et, à la Vesprée, je refis le chemin périlleux me menant au vallon et au Verbois enchanteur, ainsi que je l'avais baptisé. Je la ramenai à son pays, discrètement et secrètement, car l'homme est envieux. Le rossignol commençait sa chanson de nuit. Après un dernier regard, elle prit son envol et, très vite, se confondit avec les mouvements browniens des poussières scintillantes dans les rayons de lune. Elle disparut, elle emportait mon âme. Lorsque chaque année je reviens en pèlerinage, je vais me promener avec beaucoup de précaution au vallon enchanteur, et là, il m'arrive de temps à autre de sentir une caresse aérienne sur mes lèvres comme un vent léger et parfumé. Je crois bien que c'est son merci.